Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'appel de Brazzaville du 26 octobre 1940. Dans la foulée de son discours à Londres, il avait déclaré, je cite, « La France n'est pas seule, elle a derrière elle son empire ». En octobre, il est à Brazzaville. Et là, il crée le Conseil de défense de l'Empire, car il s'agit non seulement de protéger la France continentale, mais aussi l'Empire. Et c'est à Brazzaville qu'on publie le premier journal officiel, le premier numéro du journal officiel de la France libre. Le journaliste franco-algérien Slimane Zeghidour à TV5 Monde le 19 juin 2020, dès son célèbre appel du 18 juin 1940, le général de Gaulle espère allier les colonies françaises d'Afrique au combat de la France libre et l'appel du 18 juin va être suivi de celui de Brazzaville le 26 octobre 1940, un appel qui va conduire à la création du Conseil de défense de l'Empire qui fait, entre autres, de Brazzaville la capitale de la France libre. Le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire. Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, s'est spontanément placé sous la direction de mes représentants. Ceux-ci assument directement l'administration du mandat français et le commandement des troupes. Hier, 29 août, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant, acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires. Ainsi, menacé par les convoitises de l'ennemi allemand et italien, tout l'ensemble des colonies de notre Afrique équatoriale est rentré dans la guerre. L'Empire français se lève pour faire la guerre. Le général de Gaulle, dans un message radio diffusé de Londres le 30 août 1940, pour nous parler de l'importante contribution des colonies africaines au combat de la France libre durant la Seconde Guerre mondiale, pour nous rappeler aussi l'importance qu'ont eu l'appel et le manifeste de Brazzaville en octobre 1940, je reçois Blaise Ndala. Il est juriste et écrivain d'origine congolaise. Blaise Ndala, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. Alors, quelle importance a eu cet appel de Brazzaville, Blaise Ndala, dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans l'histoire de la résistance française? Il a eu une importance centrale dans ce sens que c'est cet appel qui a généré la contribution massive de troupes venant des colonies, ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, et eux qui vont peser sur la victoire à venir des alliés sur l'Allemagne et l'Italie. Et puis, dans l'histoire de la résistance française, c'est quand même les premières troupes qui vont se porter au front et qui vont donc faire changer le cours de la guerre. Et ça nous rappelle, au fond, que cette fameuse France libre, elle a aussi été africaine. On en parle peu de ça. On parle très peu de ça et l'expression est effectivement celle que beaucoup d'historiens, y compris français, ont fini par utiliser. C'est une France libre africaine qui est aux premières loges de cette reconquête du territoire français. On en parle très peu parce que le récit national français, hélas, a voulu privilégier la résistance intérieure dont on verra plus tard qu'en fait elle était bien tardive et ultérieure à ce que les Africains ont pu apporter. Alors, cet appel de Brazzaville, on y revient, il arrive quelques mois après l'appel du 18 juin. Il est d'une certaine manière la suite de cet appel du 18 juin. Et pour nous replacer dans le contexte, on écoute justement un extrait de ce célèbre appel du 18 juin. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. L'appel de Brazzaville, il est beaucoup moins connu que celui du 18 juin dont on vient d'entendre un extrait, Blaise Ndala. Comment se comparent l'un et l'autre? Alors, il se compare, je dirais, sur le plan, en fait, de résultats qu'il génère. Alors qu'à Londres, on l'entend, De Gaulle lance cette espèce de cri du cœur d'un patriote qui ne peut pas supporter l'amnistie que le maréchal Pétain a signé le 17 juin 1944 consacrant la capitulation de la France devant l'Allemagne nazie. Personne, quasiment personne ne suit De Gaulle, qui est un homme isolé. Et par contre, ce qui va changer avec l'appel de Brazzaville, c'est qu'il va obtenir trois choses qui lui manquent cruellement à Londres. Une légitimité interne à la France, une légitimité internationale qui lui permettrait d'agir d'égal à égal avec Churchill et Roosevelt de l'autre côté de l'Atlantique, qui sont les acteurs majeurs de la crise, mais en plus des ressources, des personnes, des hommes, mais également des matières premières, des richesses qui lui permettraient de mener la guerre. Sans l'appel des Brazzaville, eh bien, l'ensemble de ces éléments ferait défaut et on n'aurait pas parlé du général de Gaulle tel qu'on l'a connu dans le rôle qu'il a joué dans l'histoire de la libération de la France. Autrement dit, le 18 juin, c'est un appel de principe, c'est celui de la colère, il y a quelque chose de messianique, alors que Brazzaville s'est incarné, c'est stratégiquement important, mais c'est un appel qui est vraiment, ouais, je reviens à ce terme, incarné dans la réalité. C'est un appel incarné, c'est vraiment le mot. Il est incarné dans tous les sens du terme. Il a une assise territoriale, parce que là, il part du cœur de l'Afrique équatoriale française, dont la capitale est donc Brazzaville, où De Gaulle est descendu. Mais il est également enrichi, comme je le disais, par un certain nombre de choses. L'or, le caoutchouc, le coton, qui vont entrer en jeu dans les caisses des alliés qui doivent être fournis pour mener cette guerre qui s'annonce être de longue haleine. Mais en plus de cela, ben ça lui donne quand même une légitimité pour dire qu'il n'est pas seul, qu'il a bien une partie du monde qui est derrière lui. Ouais. Alors, dans quel contexte le général de Gaulle, Charles de Gaulle, se rend-il à Brazzaville en octobre 1940? Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose dont on parle très peu. Mais avant d'arriver à Brazzaville, De Gaulle tente d'abord d'aller chercher des troupes fidèles qui pourraient l'accompagner dans cette espèce de remontée pour la France. Il va à Dakar, en Afrique occidentale française. Il rassemble un certain nombre de troupes. Il tente de faire un coup de force pour prendre le contrôle de la région de main des troupes royalistes à Vichy, donc à Pétain. Ils échouent, il y a plusieurs morts. Alors, il tente de se rabattre vers l'Afrique équatoriale française, mais il ne peut pas se rendre à N'Djamena, où il a pourtant un allié dans la personne du gouverneur Félix Eboué, qui lui a dit qu'il allait mobiliser, recruter des Africains. La seule option qui se présente, c'est en fait Brazzaville, parce que Brazzaville est la capitale de l'Afrique équatoriale française d'une part, mais d'autre part, parce que Brazzaville est collé à une autre ville qui est la capitale du Congo belge, Léopoldville, où il y a un officier belge, le gouverneur Pierre Griekmans, qui lui aussi veut continuer la guerre. Alors qu'à Brazzaville même, le gouverneur qui est en place, le général Husson, est favorable à Vichy. Alors ce qu'il va faire, donc, c'est d'arriver à Brazzaville et de bénéficier du soutien de troupes d'Erixmans qui viennent de Léopoldville et de la résistance intérieure qui est localement sur place pour faire un coup de force, renverser le pouvoir de Husson et à partir de là donc faire cet appel et monter donc le conseil de l'Empire qui va être la préfiguration, comme on le sait, du futur gouvernement de la France. Et quel message il lance précisément le général de Gaulle dans ce fameux appel de Brazzaville? Alors dans l'appel, il dit en gros, il dit deux choses. Il dit que la France est peut-être couchée, mais elle ne capitulera pas, elle ne laissera pas l'Allemagne triompher. Il va falloir que la guerre se poursuive et il dit clairement aux Africains qu'il leur appartient de reconquérir aux côtés des Français cette liberté parce qu'il en va du sort de l'humanité. Donc c'est en gros un peu le message qu'il lance. Ouais. Invitation. Il fait la même invitation aux Français, mais en Afrique, avec cette portée supplémentaire de dire « j'ai besoin, nous avons besoin, la France libre a besoin de vous, nos frères africains ». L'appel, il est lancé le 26 octobre 1940, suivi dès le lendemain, Blaise Ndala, par la publication du Manifeste de Brazzaville. En quoi ce manifeste-là est-il important et qu'est-ce qu'il contient précisément? Alors oui, ce manifeste qui est lancé donc par ce Conseil de la Défense qu'il a réuni autour du général Catroux, de l'amiral Muselier et d'autres gens, il dit un certain nombre de choses. D'abord, il organise la riposte militaire qui va être lancée contre les Allemands et les Italiens. Ensuite, il présente en fait la préfiguration, comme je disais, du gouvernement qui sera mis en place une fois que le pays sera libéré. Et puis, en dernier ressort, donc voilà, il appelle au sacrifice des Africains. Je cite ces mots: j'appelle à la guerre, au combat ou au sacrifice tous les hommes et toutes les femmes des terres françaises qui sont ralliées à moi. Donc c'est là un peu le cœur du message qu'il leur délivre. Et Brazzaville, avec cet appel et ce manifeste, Brazzaville devient, et ça aussi on l'a oublié ou c'est assez peu connu, mais devient à ce moment-là, on peut le dire, la capitale de la France libre, Blazendala. Brazzaville devient la capitale de la France libre dans ce sens que dans l'esprit de De Gaulle et de ceux qui rallient la France libre, le territoire français est sous occupation et du coup le gouvernement de Vichy, avec le général, le maréchal Pétain en tête, ne représente pas la France. Pour eux, ce n'est pas cela la France. La France, elle est partout où les gens combattent pour conquérir cette liberté. Et donc de ce fait, puisque le conseil se trouve à Brazzaville et que lui-même donne l'impulsion à partir de Brazzaville, pour lui, les institutions légitimes de la France se trouvent à Brazzaville. D'ailleurs, il précise que même si visuellement cela peut paraître comme une sorte d'anomalie, il dit qu'il entend rendre des comptes aux représentants élus par les Français une fois que le combat sera mené, mais que d'ici là, les instances légitimes se trouvent bel et bien à Brazzaville. Et puis évidemment, cet appel et ce manifeste de Brazzaville conduisent à une mobilisation, à une action militaire sur le terrain qui sera menée en Afrique en partie. Donc parlons de ça. Première victoire importante sous pavillon de la France libre. Et cette première victoire sous pavillon de la France libre aura donc lieu en Afrique, à Koufra, en Libye méridionale, en 1941. Le 27 février 1941, Leclerc commence à douter. Les munitions s'épuisent, il ne reste plus qu'une dizaine d'obus à l'unique canon de 75 et les Italiens tiennent toujours. Alors, le colonel a une idée. Repos. Messieurs, le général de l'Armina à Brazzaville me conseille de cesser le siège. Il n'a pas les moyens de me ravitailler, m'explique-t-il. Alors, faut-il abandonner ? Pas question, mon colonel. On ira jusqu'au bout. À la baïonnette, si vous le commandez. On n'est pas venu jusqu'ici pour renoncer. On va les avoir, mon colonel, j'en suis sûr. Messieurs, je vous remercie. Quand on est le plus faible, il faut y aller au culot, je vous l'ai déjà dit. Alors, voilà ce qu'on va faire. De l'esbrouf. Depuis plusieurs nuits, Leclerc rassemble une dizaine de camions, les fait traverser l'oasis tout feu éteint pour les faire revenir par le désert, les phares allumés. Capitano, regardez là-bas. Des lumières. Ce sont des camions. Les Français reçoivent des renforts. C'est comme ça toutes les nuits. Ils sont plus nombreux que je ne le pensais. Santa Madre di Dio, aiutaci. De même, Leclerc fait déplacer le canon 3 à 4 fois par nuit pour que les assiégés pensent que les Français en possèdent plusieurs. Oh oh ah, ils ont un canon de ce côté-là. Oh Capitano, ils en ont un de ce côté-là aussi. Figli di... Ils nous tiennent à leur merci. Extrait du documentaire radio Koufra, 1941, la première victoire de la France libre. Ce documentaire a été diffusé à France Inter en 2019. Si la bataille de Koufra, donc, est la première victoire de la France libre en Afrique, plus largement, à quoi ça va ressembler, Blazendala, cette offensive des troupes de la France libre en Afrique, justement? Donc oui, tout part de cette victoire qui s'étale entre le 31 janvier 41 et le 2 mars 41, qui sera consacrée par ce qu'on appelait le serment de Koufra, par lequel ils s'engagent tous à répéter le même serment quand ils arriveront à Strasbourg. Et par la suite, les unités africaines qui, en ce moment-là, sont pratiquement à hauteur de 30 000 soldats coloniaux contre 39 000 soldats français, vont mener d'autres incursions, d'autres opérations importantes dans la Corne de l'Afrique. On parle de l'Éthiopie face aux troupes italiennes, qu'on parle de la Libye, puis de la Tunisie. Donc c'est vraiment une montée qui va comme ça laminer d'un combat à l'autre les troupes adverses qui se trouvent dans cette région avant, évidemment, qu'on se déploie sur le continent pour affronter l'ennemi allemand sur place. Mais toute une bataille, toute une campagne, encore une fois, qui est un peu passée à l'oubli, mais cette Seconde Guerre mondiale, elle se joue à ce moment-là, en partie également en Afrique. Il y a beaucoup d'hommes, vous le disiez, 30 000 soldats coloniaux. Qu'est-ce qui motive autant d'Africains à se rallier à De Gaulle pour combattre au sein de la France libre? En fait, les motivations des Africains sont multiples. Elles varient d'une personne à l'autre. Pour les élites, comme le gouverneur Félix Eboué au Tchad, qui est l'homme orchestre de ce recrutement des tirailleurs et qui va donner donc des troupes venues de pratiquement toutes ces régions à De Gaulle, des gens comme lui, qui est d'abord un noir, un marxiste, qui est contre les théories racialistes de l'Allemagne nazie, c'est une question de conviction, parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir d'avenir dans la France avec un régime racialiste. Et puis il y a tous ceux qui, dans les colonies africaines, voient dans une victoire potentielle de la France la possibilité pour eux-mêmes d'exercer un rôle important de premier plan sur leur territoire une fois que cette victoire sera conquise. Pour les hommes des troupes, le commun des soldats, c'est beaucoup plus mitigé. Certains y vont parce que c'est l'occasion d'apprendre un métier, comme les chauffeurs camerounais qui vont conduire des blindés sur plusieurs théâtres d'opération. D'autres y vont, se font recruter simplement pour échapper au travail forcé dans les mines et dans les plantations qui sont imposées par la colonisation. Et puis il y a enfin toute cette masse de gens qui sont enrôlés malgré eux par le chef des tribus, par les chefs traditionnels qui donnent des gages, donc des soumissions au pouvoir colonial. Donc, dépendamment de qui on parle, les raisons sont assez variées. Oui. Et ce qu'on sait, évidemment, c'est que cette participation africaine à la résistance, elle est importante. Elle sera importante pour le combat que mène la France libre durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, on l'a un petit peu évoqué, Blaise Ndala, mais au tout début de l'émission, mais cette participation africaine, ça a été beaucoup, très largement occulté dans les livres d'histoire. Quand on pense à la résistance, on pense au maquis en France. Pourquoi cet oubli, en fait? Mais en fait, je crois que c'est un oubli voulu. Hein. C'est vraiment la France qui a voulu écrire dans son récit national une victoire, une conquête qui serait le fait tout simplement des soldats blancs, des soldats européens. Et c'est ainsi que, par exemple, la résistance de ce qu'on appelle les forces françaises d'intérieur, qui pourtant est une résistance, une action assez tardive entre 1943 pour la Corse, 1944 pour le reste de l'Hexagone, ben cette résistance-là elle va être placée de l'avant dès le début. Donc on va surtout enseigner ces hauts faits en laissant un peu dans l'ombre la France libre. Alors ça, je crois que on va pas se gêner de les dire, c'est des considérations purement racistes. On l'a vu sur les théâtres des opérations, mais y compris le général de Leclerc qui va mener le combat en Libye, va lui-même discriminer les soldats noirs. Il va souvent, il va les empêcher carrément d'accéder à des rôles de responsabilité dans le commandement. Lorsqu'on fait l'entrée dans Paris et lorsque la libération est faite, alors qu'il y a des troupes, des tirailleurs sénégalais, des troupes africaines qui sont aux avant-postes et qui ont permis cette conquête-là, ben il va y avoir un accord entre le général de Gaulle, certains officiers français et l'armée américaine, qui d'ailleurs sera celle qui va en faire la demande, pour que les soldats noirs soient retirés des unités qui entrent dans Paris. On va les envoyer dans l'arrière-fond, sur d'autres rangs, pour que cette victoire soit perçue comme une victoire blanche. Donc c'est surtout des considérations, disais-je, racistes, qui vont vouloir qu'on écrive tout en blanc, littéralement, l'histoire de cette conquête, alors même qu'effectivement, le rôle est important. Je terminerai sur un détail. On parle beaucoup du débarquement de Normandie, au cours duquel on voit des soldats blancs arriver. Mais on parle moins de l'armée B, qui est celle qui a organisé le débarquement de Provence et qui a fait jonction pour rejoindre les troupes de Normandie. Ce débarquement de Provence a été rendu possible par une grande majorité des soldats noirs encore une fois, passé sous silence. Oui. Et puis ça aura un impact, ce manque de reconnaissance-là sur le plan historique, sur le plan mémoriel de la contribution africaine à la victoire de la France libre et des forces alliées, ça aura un impact très, très concret. Ça nous montre d'abord, vous en avez parlé, une certaine attitude d'une certaine France face à ses colonies africaines au cours de la guerre. Et puis ça va conduire à des injustices, à des gestes difficilement pardonnables, mais de manière très, très tangible. Écoutez ce qui suit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, à Thiaroy, qui justifie que nous revenions? Parce que les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Alors, je voulais venir ici à Thiaroy. J'en avais fait promesse lors de ma première venue ici à Dakar comme président de la République. Je voulais réparer une injustice et saluer la mémoire d'hommes qui portaient l'uniforme français et sur lesquels les Français avaient retourné leurs fusils. Le président français François Hollande au cimetière de Thiaroy à Dakar en 2014. Que s'est-il donc passé à Thiaroy en décembre 1944? Alors, ce qui s'est passé, M. Beauchamp, c'est que tout simplement, au sortir de la guerre, la France décide de rapatrier en Afrique un certain nombre d'anciens prisonniers. C'était des tirailleurs sénégalais capturés par les Allemands et qui étaient détenus dans des Frontslag, des camps des prisonniers. Et donc, on les envoie sans leur donner, sans leur payer leur solde, en leur promettant qu'une fois sur place, eh ben, la France s'occuperait de les rémunérer. Sauf que quand ils arrivent à Dakar, en décembre 1944, eh bien, on leur somme d'aller dans leur village, de retourner dans leur village, qu'on ne le paierait pas. Évidemment, ces gens qui ont trimé pendant la guerre s'insurgent. Il y a une sorte de mutinerie qui se passe. Et puis, dans ce camp de Thiaroy, la gendarmerie française, épaulée par l'armée coloniale, va encercler le camp de Thiaroy, faire feu à l'arme lourde et massacrer au moins 70 combattants africains. Les mêmes hein, qui ont risqué leur vie sur les fronts européens pour défendre la France. Et donc, c'est donc à cette occasion, en 2012, que François Hollande va essayer de faire amende honorable. C'est une injustice que beaucoup, y compris les descendants, évidemment, de ces anciens tirailleurs, n'ont pas pardonné à la France et qui est assez symptomatique de ce mépris assez triste que la France a manifesté et qui s'est prolongé aussi dans la manière dont ces mêmes tirailleurs, les survivants et leurs descendants, n'ont pas pu recevoir les mêmes indemnités, les mêmes pensions de retraite que le soldat avec qui ils avaient combattu et qui étaient eux français. Et ça nous enseigne donc sur cette espèce d'amnésie entretenue de la part de l'ancienne puissance coloniale, une amnésie, on espère qu'il doit être réparé parce que voilà, autant d'années après, il est temps de reconnaître que la France libre ne serait pas celle que nous connaissons aujourd'hui sans l'investissement massif de combattants venus d'Afrique et on ne le dira jamais assez. Merci en tout cas de nous l'avoir dit, de nous l'avoir rappelé, Blaise Ndala. Je rappelle que vous êtes écrivain et juriste d'origine congolaise. Merci beaucoup de votre participation à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.